Chapitre 34e, où se continue la nouvelle du curieux mal avisé. Comme on a coutume de dire que mal si est l'armée sans son général, et le château sans son châtelain, je dis que plus mal encore si est la femme mariée et jeune sans son mari, quand de justes motifs ne les tiennent pas séparés. Je me trouve si mal loin de vous, et tellement hors d'état de supporter votre absence, que si vous ne revenez au plus tôt, je serai forcé de me réfugier chez mes parents. Dussé-je laisser votre maison sans gardien? Car celui que vous m'avez laissé, si toutefois il mérite ce nom, vise, à ce que je crois, plus à son plaisir qu'à vos intérêts. Vous êtes intelligent, je ne vous dis rien de plus, et même, il ne convient pas que j'en dise davantage. » En recevant cette lettre, Anselme comprit que Lothaire avait enfin commencé l'entreprise, et que Camille devait l'avoir reçue comme il désirait qu'elle le fît. Ravi de semblables nouvelles, il fit répondre verbalement à Camille qu'elle ne quitta sa maison pour aucun motif et qu'il reviendrait très promptement. Camille fut fort étonnée de cette réponse d'Anselme, qui la mit dans un plus grand embarras qu'auparavant, car elle n'osait ni rester dans sa maison, ni moins encore s'en aller chez ses parents. À rester, elle voyait sa vertu en péril. À s'en aller, elle désobéissait aux ordres de son mari. Enfin, dans le doute, elle prit le plus mauvais parti, celui de rester, et de plus, la résolution de ne point fuir la présence de Lothaire, afin de ne point donner à ses gens matière à causer. Déjà même, elle se repentait d'avoir écrit à son époux, dans la crainte qu'il imaginât que Lothaire avait vu chez elle quelque hardiesse qui l'avait poussée à manquer au respect qu'il lui devait. Mais confiante en la solidité de sa vertu, elle se mit sous la garde de Dieu et de sa ferme intention, espérant bien résister par le silence à tout ce qu'il plairait à Lothaire de lui dire, sans rien révéler de plus à son mari, pour ne pas le jeter dans les embarras d'une querelle. Elle chercha même un moyen de disculper Lothaire auprès d'Anselme quand ce dernier lui demanderait le motif qui lui avait fait écrire son billet. Dans ses pensées, plus honnêtes que sages, elle resta le lendemain à écouter Lothaire, lequel pressa tellement son attaque que la fermeté de Camille commença à fléchir et que sa vertu eut assez à faire de veiller sur ses yeux pour qu'il ne donnasse pas quelque indice de l'amoureuse compassion qu'avait éveillée dans son sein les propos et les pleurs de Lothaire. Rien n'échappait à celui-ci, qui s'en enflammait davantage. Finalement, il lui sembla nécessaire, pendant le temps que laissait encore l'absence d'Anselme, de pousser vivement le siège de cette forteresse. Il attaqua le côté de sa présomption par des louanges à sa beauté, car rien ne bat mieux en brèche et ne renverse plus vite les tours de la vanité d'une belle que cette même vanité employée par la langue de l'adulation. En effet, il sut si adroitement miner le roc de sa chasteté et faire jouer de telles machines de guerre que Camille, fût-elle toute de bronze, ne pouvait manquer de succomber. Lothaire pria, supplia, pleura, adula, pressa, témoigna tant d'ardeur et de sincérité, qu'à la fin il renversa les remparts de la vertu de Camille et conquit ce qu'il espérait le moins et désirait le plus. Camille se rendit. Camille fut vaincue. Mais qu'y a-t-il d'étrange? L'amitié de Lothaire avait-elle tenu bon? Exemple frappant qui nous montre que l'unique manière de vaincre l'amour, c'est de le fuir, et que personne ne doit se prendre corps à corps avec un si puissant ennemi, car pour résister à ses efforts humains, il faudrait des forces divines. Leonella connut seule la faute de sa maîtresse, parce que les deux mauvais amis et nouveaux amants ne purent la lui cacher. Lothaire se garda bien de révéler à Camille le projet qu'avait eu Anselme, et de lui dire que c'était de son mari lui-même qu'il avait tenu les moyens de réussir auprès d'elle, de peur qu'elle ne cessât d'estimer autant son amour et qu'elle ne vint à penser que c'était par hasard, par occasion et sans dessein qu'il l'avait sollicité. Au bout de quelques jours, Anselme revint dans sa maison. Mais il ne vit pas ce qui manquait, bien que ce fût ce qu'il estimait et ce qu'il devait regretter le plus. Il alla sans délai voir Lothaire, qu'il trouva chez lui. Les deux amis s'embrassèrent, et le nouveau venu demanda aussitôt à l'autre des nouvelles de sa vie ou de sa mort. « Les nouvelles que j'ai à te donner, ô mon ami, » répondit Lothaire, « sont que tu es une femme qui peut être avec justice l'exemple et la gloire de toutes les femmes vertueuses. Les paroles que je lui ai dites, le vent les a emportées. Les offres, elle les a repoussées. Les présents, elle ne les a point admis. Mais l'arme feinte, elle en a fait l'objet de ses railleries. En un mot, de même que Camille est le sommaire de toute beauté, c'est le temple où l'honnêteté a son autel, où réside à la fois la politesse et la pudeur, et toutes les vertus qui peuvent parer une femme de bien. Reprends, ami, reprends ton argent et tes bijoux, ils sont là sans que j'aie besoin d'y toucher. car l'intégrité de Camille ne se rend pas à d'aussi bas objets que les cadeaux et les promesses. Sois satisfait, Anselme, et ne pense plus à tenter d'autres épreuves, puisque tu as passé à pied sec la mer des embarras et des soupçons que les femmes ont coutume de donner. Ne t'embarque plus sur l'océan de nouvelles tempêtes, ne fais plus avec un autre pilote l'expérience de la solidité du navire que le ciel t'a donné en partage pour faire la traversée de ce monde, mais persuade-toi, tout au contraire, que tu es arrivé à bon port. Affermis-toi bien sur les ancres de la bonne considération et reste en panne jusqu'à ce qu'on vienne te réclamer la dette dont aucune noblesse humaine n'a le privilège d'éviter le paiement. » Anselme fut ravi des paroles de Lothaire et les crut comme si quelque oracle les eût dites. Cependant, il le pria de ne pas abandonner complètement l'entreprise. Quand même, il ne la suivrait que par curiosité et passe-temps, sans faire d'aussi pressantes démarches que par le passé. « Je veux seulement, lui dit-il, que tu écrives quelques vers à sa louange, sous le nom de Chloris, et je ferai croire à Camille que tu es amoureux d'une dame à laquelle tu as donné ce nom, afin de pouvoir célébrer ses attraits sans manquer aux égards qui lui sont dus. Et si tu ne veux pas te donner la peine d'écrire ces vers, je me charge de les composer. » Cela est inutile, reprit Lothaire. Les muses ne me sont pas tellement ennemies qu'elles ne me fassent quelques visites dans le cours de l'année. Parle à Camille de mes feintes amours, mais quant aux vers, je les ferai, sinon tel que le mérite le sujet, au moins du mieux que je pourrai. Les deux amis, l'imprudent et le traître, ainsi tombés d'accord, Anselme, de retour à sa maison, fit à Camille la question qu'elle s'étonnait de ne pas avoir reçue déjà, à savoir quel motif lui avait fait écrire ce billet qu'elle lui avait adressé. Camille répondit qu'il lui avait semblé que Lothaire la regardait un peu moins respectueusement que lorsque son mari était à la maison, mais qu'elle était déjà détrompée et voyait bien que c'était pure imagination de sa part, puisque Lothaire fuyait sa présence et les occasions de se trouver seule avec elle. Anselme lui dit qu'elle pouvait être bien remise de ce soupçon, car il savait que Lothaire était violemment épris d'une noble demoiselle de la ville, qu'il célébrait sous le nom de Chloris, mais que, dans le cas même où son cœur fut libre, il n'y avait rien à craindre de sa loyale amitié. Si Camille n'eût pas été avisée par Lothaire que cet amour pour Chloris était simulé, et qu'il ne l'avait dit à Anselme qu'afin de pouvoir s'occuper quelques instants à célébrer les louanges de Camille elle-même, sans aucun doute, elle serait tombée dans les filets cuisants de la jalousie. Mais, étant prévenue, elle reçut cette confidence sans alarme. Le lendemain, comme ils étaient tous trois à table, après le dessert, Anselme pria Lothaire de réciter quelqu'une des poésies qu'il avait composées pour sa bien-aimée Chloris, lui faisant observer que, puisque Camille ne la connaissait pas, il pouvait en dire tout ce qui lui plairait. « Encore qu'elle l'a connue, reprit Lothaire, je n'aurai rien à cacher. » Car lorsqu'un amant loue sa dame de ses attraits lui reproche sa cruauté, il ne fait nulle injure à sa bonne renommée. Mais quoi qu'il en soit, voici le sonnet que j'ai fait hier sur l'ingratitude de Chloris. Sonnet. Dans le silence de la nuit, quand le doux sommeil règne sur les mortels, je rends au ciel et à Chloris le pauvre compte de mes riches douleurs. Et quand le soleil commence à se montrer aux portes rosées de l'Orient, avec des soupirs et des accents entrecoupés, je renouvelle mon ancienne plainte. Et quand le soleil, du haut de son trône étoilé, lance sur la terre de perpendiculaires rayons, mes pleurs augmentent et mes gémissements redoublent. La nuit revient, et je reviens à ma triste lamentation. Mais toujours, dans cette lutte mortelle, je trouve le ciel sourd et Chloris insensible. Le sonnet plut à Camille, et plus encore à Anselme, qui le loua, et dit que la dame était trop cruelle puisqu'elle ne répondait point à de si sincères aveux. « En ce cas, s'écrie Camille, tout ce que disent les poètes amoureux est donc la vérité ?»« Ce n'est pas comme poètes qu'ils la disent, répondit Lothaire, mais comme amoureux. Ils sont toujours aussi insuffisants que véridiques. » »« Cela ne fait pas le moindre doute, reprit Anselme, qui semblait vouloir expliquer la pensée de Lothaire à Camille, aussi peu soucieuse de l'artifice d'Anselme, qu'éperdument éprise de Lothaire. Camille, sachant bien que les vœux et les vers de son amant s'adressaient à elle, et qu'elle était la véritable Chloris, le pria, s'il savait quelque autre sonnet, de le dire encore. « Oui, j'en sais bien, hein, » répondit Lothaire, « mais je le crois moins bon que le premier, ou pour mieux dire, plus mauvais. Au reste, vous allez en juger. » Sonnet. « Je sais bien que je meurs, et si je ne suis pas écouté, ma mort est aussi certaine qu'il est certain que je me verrai plutôt mort à tes pieds, ô belle ingrate, que repentant de t'adorer. Je pourrais me voir dans la région de l'oubli, déserté par la vie, la gloire et la faveur. Alors on pourra voir, dans mon cœur ouvert, comment ton beau visage y est gravé. C'est une relique que je garde pour la crise terrible dont me menace ma constance, qui se fortifie de ta rigueur même. Malheur à qui navigue, par un ciel obscur, sur une mer inconnue et dangereuse, où nulle étoile, nul port ne s'offre à sa vue. Anselme loua ce second sonnet, comme il avait fait du premier, ajoutant de cette manière un anneau sur l'autre à la chaîne avec laquelle il enlaçait et serrait son déshonneur. En effet, plus l'auteur le déshonorait, plus il lui disait qu'il était honoré, et chacun des degrés que descendait Camille vers le fond de son avilissement, elle le montait, dans l'opinion de son mari, vers le fait de la vertu et de la bonne renommée. Un jour que Camille se trouvait seule avec sa camériste, elle lui dit « Je suis confuse, ami Leonella, de voir combien peu j'ai su m'estimer, puisque je n'ai pas même fait acheter par le temps à l'auteur l'entière possession que je lui ai si vite donnée de ma volonté. Je crains qu'il n'accuse ma précipitation ou ma légèreté, sans voir que je n'ai pu résister à sa pressante ardeur. « Que cela ne vous cause point de peine, ma chère dame, répondit Leonella. La chose que l'on donne n'est pas dépréciée pour être donnée vite, si elle l'est par elle-même précieuse et digne d'être estimée. On a même coutume de dire que celui qui donne vite donne deux fois. « Oui, reprit Camille, mais on dit aussi que ce qui coûte peu s'estime encore moins. « Ce n'est pas à vous que s'adresse ce dicton, repartit Leonella, car l'amour, à ce que j'ai ouï dire, tantôt vole, tantôt marche. Il court avec celui-là, se traîne avec celui-ci, refroidit l'un, enflamme l'autre, blesse à gauche, tue à droite. Quelquefois il entreprend la carrière de ses désirs, et au même instant il arrive au bout. Le matin il met le siège à une forteresse, et le soir la fait capituler, car aucune force ne résiste à la sienne. S'il en est ainsi, pourquoi vous étonner, pourquoi craindre ? Lothaire a dû se dire la même chose, puisque l'amour a pris pour instrument de votre défaite l'absence de notre Seigneur. Il fallait que pendant cette absence, l'amour achevât ce qu'il avait résolu, sans donner, comme on dit, le temps au temps, pour qu'Anselme n'eût pas celui de revenir, et de laisser par sa présence l'ouvrage imparfait. Car l'amour n'a pas, pour accomplir ses volontés, de meilleur ministre que l'occasion. C'est de l'occasion qu'il se sert pour tous ses exploits, et surtout dans le début. Tout cela, je le sais fort bien, et plus encore par expérience que par ouï dire, ainsi que je vous le conterai quelques jours, car je suis le cher aussi, et j'ai du sang jeune dans les veines. Et d'ailleurs, madame, vous ne vous êtes pas rendue si tôt, que vous n'ayez d'abord vu toute l'âme de Lothaire dans ses regards, dans ses soupirs, dans ses propos, dans ses présents, que vous n'ayez enfin reconnu combien il était digne d'être aimé. S'il en est ainsi, ne vous laissez pas assaillir l'imagination par ses scrupules et ses pensées de prude. Mais soyez assurés que Lothaire vous estime autant que vous l'estimez, et qu'il vit joyeux et satisfait de ce que, depuis que vous êtes tombé dans les lacs de l'amour, c'est lui qui vous y retient par son mérite. En effet, il n'a pas seulement les quatre SSS que doivent avoir, à ce qu'on dit, tous les amants parfaits, mais même un alphabet tout entier. Écoutez-moi, et vous allez voir comme je le sais par cœur. Il est, à ce que je vois et ce que j'imagine, aimant, bon, courageux, discret, empressé, fidèle, généreux, habile, illustre, jeune, loyal, modeste, noble, honnête, prudent, qualifié, riche, puis les quatre SSSS que nous venons de dire, puis tendre et véridique. Le X ne lui va, c'est une lettre rude. Le Y n'a rien qui lui convienne. Enfin, zélé. Pour votre bonheur. » Camille rit beaucoup de l'alphabet de sa suivante, et la tint pour plus versée dans les choses d'amour qu'elle ne voulait le paraître. L'autre en fit l'aveu, et découvrit à sa maîtresse qu'elle était engagée dans une intrigue amoureuse avec un jeune homme bien né de la même ville. À cette confidence, Camille se troubla, craignant que ce ne fût une voie ouverte à son déshonneur. Elle pressa de questions Leonella, pour savoir si ces entrevues allaient plus loin que la conversation. Celle-ci, perdant toute retenue, lui répondit effrontément qu'elle ne s'amusait plus aux paroles. Il est en effet certain que les fautes des dames ôtent jusqu'à la honte aux suivantes, lesquelles, en voyant leur maîtresse faire un faux pas, ne s'inquiètent plus de boiter des deux pieds, ni même qu'on s'en aperçoive. Camille ne put faire autre chose que de prier Leonella de ne rien révéler de son aventure à celui qu'elle disait être son amant, et de conduire sa propre intrigue dans le plus grand secret, pour qu'il n'en vînt rien à la connaissance d'Anselme ou de Lothaire. Léonella le lui promit bien, mais elle tint parole de manière à confirmer Camille dans la crainte que, par elle, sa réputation ne se perdît. La coupable et audacieuse Léonella ne vit pas plus tôt que sa maîtresse avait succombé, qu'elle eut l'effronterie d'introduire son amant dans la maison, bien assurée que sa maîtresse, le vit-elle, n'oserait pas le découvrir. Telle est, avec beaucoup d'autres, la triste suite qu'ont les faiblesses des dames. Elles deviennent esclaves de leurs propres servantes et se voient forcées de couvrir jusqu'aux méfaits de ces créatures. C'est ce qu'éprouva Camille, qui, bien qu'elle sût maintes fois que sa Léonella s'était enfermée en compagnie dans un appartement de la maison, non seulement n'osait pas l'en gronder, mais au contraire, prêtait les mains à l'arrivée du galant et veillait à ce qu'il ne fût pas découvert par son mari. Toutefois, elle ne sut pas si bien faire la garde que Lothaire, un jour, le vit sortir l'amant à l'aube du matin. Ne sachant qui ce pouvait être, il le prit d'abord pour quelque fantôme, mais quand il le vit marcher, s'envelopper dans son manteau et s'échapper avec précaution, il rejeta bien vite cette pensée d'enfant pour s'arrêter à une autre qui devait les perdre tous, si Camille n'eût réparé le mal. Lothaire s'imagina que cet homme qu'il venait de voir sortir à une heure si indue de la maison d'Anselme n'était pas entré pour Léonella. Se rappelait-il même qu'il y eut une Léonella dans le monde? Il crut seulement que, de la même manière qu'elle avait été facile et inconstante pour lui, Camille était devenue pour un autre. Car c'est encore une des conséquences qu'entraîne la mauvaise conduite de la femme adultère. Elle perd le crédit de son honneur aux yeux de celui-là même à qui elle l'a livré. Vaincu par ses poursuites, il croit, à son tour, qu'elle le livre à d'autres avec encore plus de facilité et donne infailliblement croyance à tout soupçon de cette espèce qui vient l'assaillir. Il sembla qu'en ce moment, Lothaire eût perdu tout son bon sens et que toutes ses prudentes résolutions lui fussent sorties de la mémoire. Sans raisonner, sans réfléchir, impatient, fougueux, aveuglé par la rage de jalousie qui lui rongeait les entrailles et brûlant de se venger de Camille qui ne l'avait nullement offensé, il courut chez Anselme avant l'heure de son lever. « Apprends, lui dit-il, apprends, Anselme, que depuis plusieurs jours je lutte avec moi-même, me faisant violence pour ne point t'avouer, ce qu'il n'est ni possible ni juste de te cacher davantage. Apprends que la forteresse de Camille a capitulé, qu'elle est rendue et est prête à faire tout ce qu'il me plaira. Si j'ai tardé à te découvrir cette vérité fatale, c'est que je voulais voir si c'était de sa part un coupable caprice, ou bien si elle ne feignait de se rendre que pour m'éprouver et s'assurer que je menais sérieusement l'attaque amoureuse commencée avec ta permission. J'ai cru également que si elle eût été ce qu'elle devait être, et ce que nous pensions tous deux, elle t'aurait déjà révélé mes poursuites. Mais voyant qu'il tarde à t'en faire l'aveu, je dois tenir pour sincère la promesse qu'elle m'a faite de me recevoir, la première fois que tu t'absenterais de chez toi, dans le cabinet qui te sert de garde-robe. Et c'est là, en effet, que se rencontraient Camille et Lothaire. Toutefois, je ne veux pas que tu cours précipitamment tirer quelque vengeance de l'infidèle, puisque le péché n'est encore commis que par pensée, et qu'il pourrait arriver que, d'ici au moment de le commettre par action, cette pensée de Camille vint à changer, et qu'à sa place naquit le repentir. Ainsi, comme jusqu'à présent tu as ponctuellement suivi mes conseils, or en un point, suis encore un avis que je veux te donner maintenant, pour que tu lèves tes doutes sans erreur possible, et que tu puisses agir en pleine connaissance de cause. Feins de t'absenter pour 2 ou 3 jours, comme cela t'est maintes fois arrivé, et fais en sorte de rester enfermé dans ta garde-robe, où les tapisseries et les meubles t'offriront un commode moyen de te cacher. Alors, tu verras par tes propres yeux, ainsi que moi par les miens, ce que veut Camille. Si son intention est coupable, comme c'est à craindre plus que le contraire à espérer, sans bruit, avec discrétion et sagacité, tu pourras être le vengeur de ton outrage. » Le pauvre Anselme resta stupéfait et comme anéanti à cette confidence de Lothaire. Elle venait en effet le surprendre au moment où il s'y attendait le moins, car il croyait pieusement Camille victorieuse des feintes attaques de Lothaire et commençait à goûter lui-même les joies du triomphe. Il demeura longtemps les yeux fixés à terre, immobile et silencieux. Enfin, il s'écria « Tu agis, Lothaire, comme je l'attendais de ton amitié. En toute chose, je suivrai ton conseil. Fais ce qui te semblera bon et surtout, garde le secret qu'exige un événement si inattendu. » Lothaire le lui promit, et dès qu'il se fut éloigné, il se repentit amèrement de tout ce qu'il venait de dire, voyant avec quelle impardonnable étourderie il avait agi, puisqu'il aurait pu se venger lui-même de Camille, sans prendre une voix si cruelle et si déshonorante. Il maudissait son peu de jugement, se reprochait sa précipitation, et ne savait quel moyen prendre pour défaire ce qu'il avait fait, ou trouver au moins à sa sottise une raisonnable issue. À la fin, il résolut de tout révéler à Camille, et comme les occasions ne lui manquaient pas de la voir en secret, il alla ce jour même la trouver. Dès qu'elle l'aperçut, elle lui dit « Sachez, ami Lothaire, que j'ai au fond du cœur un chagrin qui me le déchire, et le fera quelque jour éclater dans ma poitrine. » L'effronterie de Leonella en est venue à ce point que toutes les nuits elle fait entrer un galant dans cette maison et le garde auprès d'elle jusqu'au jour. Jugez quel danger court ma réputation et quel champ libre aurait pour m'accuser celui qu'il verrait sortir de chez moi à ses heures indues. Mais ce qui m'afflige le plus, c'est que je ne peux ni la chasser ni la réprimander, car de ce qu'elle est la confidente de notre intrigue, j'ai la bouche fermée sur la sienne, et je crains bien que cela n'amène quelque catastrophe. » Aux premières paroles de Camille, Lothaire crut que c'était un artifice pour lui persuader que l'homme qu'il avait vu sortir était venu pour Leonella et non pour elle. Mais quand il la vit pleurer, se désoler, et lui demander son secours pour la tirer d'embarras, il reconnut enfin la vérité, ce qui accrut encore son repentir et sa confusion. Cependant, il répondit à Camille qu'elle cessa de s'affliger, et qu'il trouverait bien moyen de mettre ordre à l'impudence de Leonella. Ensuite, il lui confia tout ce que, dans le transport d'une jalouse fureur, il avait révélé à Anselme, et le complot qu'ils avaient tramé pour que celui-ci se cachât dans sa garde-robe et pût voir clairement de quelle déloyauté sa tendresse était payée. Il lui demanda pardon de cette folie, puis conseil pour la réparer et sortir de l'inextricable labyrinthe où les avait jetés sa fatale irréflexion. Camille fut épouvantée à l'aveu que faisait Lothaire, et commença par lui reprocher, avec un tendre dépit, et sa mauvaise pensée, et la résolution plus mauvaise encore qu'elle lui avait fait prendre. Mais comme, naturellement, la femme a l'esprit plutôt prêt que l'homme pour le bien et pour le mal, esprit qui lui échappe lorsqu'elle veut réfléchir mûrement, Camille trouva sur le champ le moyen de remédier à une faute si irrémédiable en apparence. Elle dit à Lothaire de faire en sorte qu'Anselme se cachât le lendemain, comme ils en étaient convenus, pour qu'elle espérait tirer de cette épreuve même une facilité pour que leur amour pût désormais se satisfaire sans alarme et sans effroi. Quoiqu'elle refusât de lui révéler entièrement son dessein, elle l'avertit qu'il ne manquait pas, lorsqu'Anselme serait dans sa cachette, d'entrer dès que Leonella l'appellerait, et qu'il prit garde de répondre à tout ce qu'elle pourrait lui dire, comme il ferait s'il ne savait pas qu'Anselme était caché près d'eux. Lothaire la pressa vainement d'achever de lui expliquer son intention pour qu'il pût agir avec plus de prudence et de sûreté. Camille se borna seulement à lui répéter qu'il n'avait autre chose à faire qu'à répondre aux questions qui lui seraient adressées. Elle ne voulait pas le mettre plus au courant de ce qu'elle pensait faire, dans la crainte qu'il refusât d'exécuter un projet qu'elle trouvait excellent et qu'il en cherchât d'autres beaucoup moins profitables. Lothaire s'éloigna, et le lendemain, sous le prétexte d'aller à la maison de campagne de son ami, Anselme partit et revint aussitôt se cacher, ce qu'il put faire aisément, Camille et Leonella lui ayant avec adresse préparé les moyens. Anselme, donc, établi dans sa cachette, avec ses angoisses qu'on peut supposer à l'homme qui va voir de ses propres yeux faire la dissection des entrailles de son honneur, se croyait sur le point de perdre le souverain bien qu'il plaçait en sa chère Camille. Une fois que celle-ci et Leonella furent bien assurées qu'Anselme était caché, elles entrèrent toutes deux dans le cabinet, et dès qu'elle eut mis le pied, Camille s'écria, en laissant échapper un grand soupir, « Hélas, ami Leonella, ne vaudrait-il pas mieux, avant que je me décide à mettre en œuvre ce que je ne veux pas te dire, de peur que tu ne m'empêches de le faire, que tu pries cette épée d'Anselme que je t'ai demandée, pour percer le cœur infâme qui bat dans ma poitrine? Mais non, il ne serait pas juste que je portasse la peine de la faute d'autrui. Je veux d'abord savoir qu'est-ce qu'ont vu en moi les yeux effrontés de Lothaire pour lui donner l'audace de me découvrir un désir aussi coupable que celui qu'il n'a pas eu honte de me témoigner, au mépris de mon honneur et de son amitié pour Anselme. Ouvre cette fenêtre, Leonella, et donne-lui le signal. Sans doute il est dans la rue, espérant bien satisfaire sa perverse intention, mais auparavant je satisferai la mienne, cruelle autant qu'honorable. « Ah, ma chère dame, répondit aussitôt l'habile Leonella, qui savait bien son rôle, que pensez-vous faire de cette épée? Voulez-vous par hasard vous tuer ou tuer Lothaire? Mais l'une ou l'autre de ses extrémités doit également compromettre votre bonne réputation. Il vaut bien mieux dissimuler votre outrage et ne pas permettre que ce méchant homme entre à présent et nous trouve seuls dans la maison. Faites attention que nous sommes de faibles femmes, qu'il est homme et déterminé, et que venant pousser par son aveugle passion, il pourrait bien, avant que vous missiez votre projet en œuvre, vous faire pire que vous ôter la vie. Maudite soit la confiance de Monseigneur Anselme, qui a laissé prendre pied dans sa maison à ce fat débauché. Mais, madame, si vous le tuez, comme je vois que vous en avez l'envie, qu'est-ce que nous ferons de lui quand il sera mort ? Ce que nous ferons, reprit Camille. Nous le laisserons là pour qu'Anselme l'enterre, car il est juste qu'il tienne à récréation la peine qu'il prendra pour ensevelir sous terre son propre déshonneur. Appelons ce traître, enfin. Tout le temps que je tarde à tirer de mon outrage une légitime vengeance, il me semble que j'offense la loyauté que je dois à mon époux. Anselme écoutait toute cette conversation et chaque parole que disait Camille renversait toutes ses pensées. Mais quand il entendit qu'elle était résolue à tuer Lothaire, il voulut sortir de sa retraite et se montrer pour l'empêcher de commettre une telle action. Toutefois, il fut retenu par le désir de voir où aboutirait une résolution si énergique et si vertueuse, prête à paraître à temps pour prévenir toute catastrophe. En cet instant, Camille parut atteinte d'un évanouissement profond. Et sa camériste l'ayant jetée sur un lit qui se trouvait là, elle se mit à pleurer amèrement. « Ah, malheureuse ! S'écria-t-elle. Est-ce que je suis destinée à voir mourir entre mes bras cette fleur de chasteté, cet exemple de vertu, ce modèle des femmes ?» Continuant sur le même ton, de manière à faire croire qu'elle était la plus affligée et la plus loyale des suivantes, et que sa maîtresse était une autre Pénélope. Camille revint bientôt de sa pâmoison et s'écria tout en ouvrant les yeux. « Pourquoi, Leonella, ne vas-tu pas appeler le plus déloyal ami d'amis véritable que le soleil est éclairé et que la nuit est couvert ? Cours, vole, hâte-toi, pour que le retard n'éteigne pas le feu de la colère qui m'enflamme, et que ma juste vengeance ne se passe point en menace et en malédiction. Je vais l'appeler, madame, reprit Leonella, mais auparavant, donnez-moi cette épée, pour qu'en mon absence, vous ne fassiez pas une chose qui laisserait à pleurer toute la vie à ceux qui vous aiment. Sois sans crainte, ami Leonella, répondit Camille. Quelque simple et quelque hardi que je te paraisse apprendre ainsi la défense de mon honneur, je ne le serai pas autant que cette Lucrèce, qui se tua, dit-on, sans avoir commis aucune faute, et sans avoir tué d'abord celui qui causa son infortune. Je mourrai, si je meurs, bien vengé de celui qui m'a fait venir en ce lieu pleurer sur ses hardiesses, dont je suis si peu coupable. Leonella se fit encore prier avant de sortir pour appeler Lothaire, mais enfin elle quitta l'appartement, et en attendant son retour, Camille, restée seule, disait comme se parlant à elle-même « Dieu me pardonne. N'aurait-il pas été plus prudent de congédier Lothaire, comme j'ai fait tant d'autres fois, plutôt que de lui donner le droit de me tenir pour une femme légère et impudique, ne fût-ce que le temps que je dois mettre à le désabuser ? Oui, ça aurait été mieux, sans doute. Mais serais-je vengé ? Et l'honneur de mon mari satisfait si le traître sortait ainsi, en s'en lavant les mains, du pas où l'ont engagé ses pensées infâmes ? Non. Qu'il paye de sa vie l'audace de ses désirs, et que le monde apprenne que non seulement Camille a gardé la foi due à son époux, mais qu'elle l'a vengé de celui qui osait lui faire outrage. Cependant, ne vaudrait-il pas mieux tout révéler à Anselme ? Mais déjà, je lui ai bien assez clairement parlé dans la lettre qu'il a reçue à la campagne, et je crois que s'il n'a sur le champ mis ordre au mal que je lui signalais, c'est que par excès de confiance et de bonté, il n'a pu croire que le cœur de son indigne ami renferma la moindre pensée déshonorante. Moi-même, je n'ai pu le croire de longtemps après, et jamais je ne l'aurais cru, si son insolence n'en fût venue au point d'éclater par les riches cadeaux, les promesses sans bornes et les larmes continuelles. Mais à quoi vont faire ces réflexions maintenant ? Est-ce qu'une énergique résolution a besoin d'être si mûrement pesée ? Non, certes. Eh bien donc, hors d'ici, trahison, à moi vengeance. Vienne, le traître, qu'il entre, qu'il meure, puis advienne que pourra. Pur, je suis entré au pouvoir de celui que le ciel m'a donné pour époux, et pur, je dois en sortir. Dussé-je le faire baigner dans mon chaste sang et dans le sang impur du plus déloyal ami qui ait jamais profané dans le monde le nom de l'amitié. Tandis qu'elle parlait ainsi, Camille parcourait l'appartement, l'épée nue à la main, d'un pas si brusque et faisant des gestes si furieux qu'elle semblait avoir perdu l'esprit et s'être changée de femme délicate en bravache désespérée. Anselme, couvert par une tapisserie derrière laquelle il s'était blotti, voyait et entendait tout cela. Surpris, émerveillé, il lui semblait que ce qu'il avait vu et entendu était bien suffisant pour détruire des soupçons plus grands même que les siens. Aussi désirait-il déjà que l'épreuve de l'arrivée de Lothaire vînt à manquer, dans la crainte de quelque fâcheux accident. Comme il se disposait à quitter sa retraite pour embrasser et désabuser son épouse, il fut retenu par le retour de Leonella, qu'il vit entrer amenant Lothaire par la main. Aussitôt que Camille l'aperçut, elle fit avec la pointe de l'épée une grande raie devant elle sur le plancher et lui parla de la sorte. « Lothaire, prends bien garde à ce que je vais te dire. Si par malheur tu as l'audace de passer cette raie que tu vois à terre, ou même de t'en approcher, à l'instant je me perce le cœur avec cette épée que je tiens à la main. » Avant qu'à cette injonction tu répondes une seule parole, je veux t'en dire quelques-unes, et je veux que tu m'écoutes en silence. Après, tu répondras ce qui te semblera bon. Avant tout, je veux, Lothaire, que tu me dises si tu connais Anselme, mon époux, et quelle opinion tu fais de lui. Puis, ensuite, je veux également savoir si tu me connais, moi, qui te parle. Réponds d'abord à cela, sans te troubler, sans hésiter, car ce ne sont pas, j'imagine, des difficultés que je te propose à résoudre. Lothaire n'était pas si simple que dès le premier instant où Camille lui avait dit de faire cacher Anselme, il n'eût compris le tour qu'elle pensait jouer. Aussi se trouva-t-il prêt à répondre à son intention avec tant d'adresse et d'à-propos qu'ils auraient pu, entre deux, faire passer ce mensonge pour la plus évidente vérité. Voici de quelle manière il répondit. « Je ne pensais pas, belle Camille, que tu me ferais appeler pour m'adresser des questions si étrangères à l'intention qui m'amène ici. Si tu le fais pour éloigner encore la récompense promise à mes feux, tu aurais bien pu t'y prendre de plus loin. » Car le désir du bonheur me presse et me tourmente d'autant plus que l'espérance de l'atteindre est plus proche. Mais pour que tu ne dises pas que je refuse de répondre à tes questions, je réponds que je connais ton époux Anselme, que nous nous connaissons tous deux depuis notre tendre enfance. Mais je ne veux rien dire de plus de notre amitié, que tu connais aussi bien que nous-mêmes, pour ne pas rendre témoignage de l'offense que l'amour me force à lui faire. L'amour, puissante excuse pour de plus grandes fautes. Je te connais également, et je regarde ta possession comme aussi précieuse qu'il la voit lui-même. S'il n'en était pas ainsi, irais-je, pour de moindres attraits que les tiens, manquer à ce que je me dois à moi-même, étant qui je suis, et trahir les saintes lois de l'amitié, aujourd'hui violées en moi, et foulées aux pieds par un aussi redoutable ennemi que l'amour? Si c'est là ce que tu confesses, reprit Camille, mortel ennemi de tout ce qui mérite justement d'être aimé, de quel front oses-tu te montrer devant celle que tu sais bien être le miroir ou se mire celui sur qui tu aurais dû porter tes regards pour voir avec quelle injustice tu l'outrages. Mais, hélas, malheureuse que je suis, je m'en compte à présent de ce qui t'a fait perdre le respect que tu te dois à toi-même. Ce doit être quelque trop grande liberté de ma part, que je ne veux pas appeler indécence, puisqu'elle ne provient pas de propos délibérés, mais de ces étourderies auxquelles se laissent aller les femmes lorsqu'elles pensent n'avoir à se tenir en garde contre personne. Sinon, dis-moi, traître, quand est-ce que j'ai répondu à tes prières par un mot, par un geste, qui put éveiller en toi la moindre espérance de voir exaucer tes infâmes désirs? Quand est-ce que tes propos d'amour n'ont pas été repoussés, réprimandés par les miens, avec rigueur et dureté? Quand est-ce que j'ai donné croyance à tes mille promesses, ou accepté tes dons séduisants? Mais, comme je ne peux pas croire qu'on s'obstine longtemps dans une poursuite amoureuse sans être soutenu par quelque espoir, il faut bien que je rejette sur moi la faute de ton impertinence. Sans doute, quelque involontaire négligence de ma part aura soutenu si longtemps ton volontaire projet de séduction. Aussi, je veux me punir et faire tomber sur moi le châtiment que mérite ta faute. Mais, afin que tu vois qu'étant si cruel avec moi-même, je ne peux manquer de l'être également avec toi, j'ai voulu t'amener ici pour être témoin du sacrifice que je pense faire à l'honneur offensé de mon digne époux, outragé par toi aussi profondément qu'il t'a été possible. Et par moi aussi, qui n'ai pas mis assez de soin à fuir toute occasion d'éveiller et d'encourager tes criminelles intentions. C'est ce soupçon, je le répète, que quelque inadvertance de ma part a pu faire naître en toi de si odieuses pensées qui m'afflige et me tourmente le plus. C'est lui que je veux punir de mes propres mains, car si je cherchais un autre bourreau que moi-même, peut-être ma faute en sera-t-elle plus publique. Mais je n'entends pas mourir seul. Je veux emmener avec moi celui dont la mort complétera ma vengeance et qui apprendra, quelque part qu'il aille, que la justice atteint toujours la perversité. » En achevant ces mots, Camille, avec une force et une légèreté incroyables, se précipita, l'épée nue sur l'autel. Elle paraissait si résolue à lui percer le cœur, qu'il fut presque à douter si ses démonstrations étaient feintes ou véritables, et qu'il se vit contraint d'employer son adresse et sa force pour éviter les coups qu'elle lui portait. Camille mettait tant d'ardeur dans son étrange artifice que, pour lui donner encore davantage la couleur de la vérité, elle voulut le teindre de son propre sang. Voyant qu'elle ne pouvait atteindre l'auteur, ou plutôt feignant qu'elle ne le pouvait point. « Puisque le sort, s'écria-t-elle, ne veut pas que je satisfasse entièrement mon juste désir, il ne sera pas du moins assez puissant pour m'empêcher de le satisfaire à demi. » Faisant effort pour dégager des mains de l'auteur l'épée qu'il avait saisie, elle la tourna contre elle, et la dirigeant à une place où l'arme ne pouvait entrer profondément, elle en enfonça la pointe au-dessus du sein gauche, près de l'épaule. Puis elle se laissa tomber par terre, comme sans connaissance. Lothair et Leonella étaient également frappés de surprise et de crainte à la vue d'une telle aventure, et ne savaient qu'en croire, lorsqu'ils virent Camille étendue à terre, baignée dans son sang. Hors de lui, sans haleine, Lothair se précipita pour arracher l'épée. Mais quand il vit combien la blessure était légère, il perdit tout effroi et admira de nouveau l'adresse et la sagacité de la belle Camille. Du reste, pour remplir également son rôle, il se mit à faire une longue et triste lamentation sur le corps de Camille, comme si elle fût trépassée, s'accablant de malédictions, et non seulement lui, mais encore celui qui était la première cause de la catastrophe. Et comme il savait que son ami Anselme était à l'écouter, il disait de telles choses que quiconque les aurait entendues aurait eu plus pitié de lui que de Camille, même la croyant morte. Leonella, qui la prit dans ses bras, la posa sur le lit, en suppliant Lothair d'aller chercher quelqu'un pour la panser en secret. Elle lui demandait aussi conseil sur ce qu'il fallait dire à son maître de la blessure de sa maîtresse, s'il était de retour avant qu'elle fût guérie. Lothair lui répondit de dire tout ce qui lui plairait, car il n'était guère en état de donner un conseil profitable. Il ajouta seulement qu'elle essaya d'arrêter le sang qui coulait, et que pour lui, il allait où personne ne pourrait le voir. Alors, avec de grands témoignages de douleur et de regret, il quitta précipitamment la maison. Dès qu'il se vit seul, et que personne ne put l'apercevoir, il se mit à faire des signes de croix par douzaines, émerveillé qu'il était de l'adresse de Camille et du jeu parfait de Leonella. Il considérait combien Anselme devait être persuadé qu'il avait pour femme une seconde Portia, et brûlait de le retrouver pour célébrer avec lui la vérité la mieux dissimulée et le mensonge le mieux ourdi que jamais on pût imaginer. Leonella, cependant, étanchait le sang de sa maîtresse, qui n'avait coulé que justement assez pour donner crédit à sa ruse. Après avoir lavé la blessure avec un peu de vin, elle la banda le mieux qu'elle put, en répétant de tels propos, tant que dura le pansement, qu'ils auraient suffi, sans que d'autres les eussent précédés, pour faire croire à Anselme qu'il possédait dans Camille l'image vivante de la vertu. Aux paroles de Leonella vinrent se joindre celles de Camille, qui s'accusait de lâcheté, puisqu'elle avait manqué de cœur au moment où il lui était le plus nécessaire d'en avoir pour sauter une vie qu'elle avait en horreur. Elle demandait conseil à sa suivante pour savoir s'il fallait ou non révéler toute l'aventure à son cher époux. Mais Leonella lui dit de s'en bien garder, parce qu'elle le mettrait dans l'obligation de se venger de Lothair, ce qu'il ne pouvait faire qu'au péril de sa vie. Et que la bonne épouse, loin de donner à son mari des occasions de querelle, doit l'en préserver autant qu'elle le peut. Camille répondit que cet avis lui semblait bon, et qu'elle le suivrait, mais qu'il fallait, en tout cas, chercher que dire à Anselme sur la cause de cette blessure qu'il ne pouvait manquer de voir. À cela, Leonella répondit que même à bonne intention, elle ne savait pas mentir. « Et moi, s'écria Camille, le sais-je davantage? Je n'oserais pas forger ni soutenir un mensonge quand il s'agirait de ma vie. Si nous ne savons trouver une issue à ces embarras, il vaut mieux lui dire la vérité toute nue que de nous laisser prendre en délit de mensonge. Allons, madame, reprit Leonella, ne vous affligez pas ainsi. D'ici à demain, je penserai à ce qu'il convient de lui dire. Peut-être, à cause de la place où elle est, pour nous cacher la blessure sans qu'il l'aperçoive, et le ciel daignera favoriser nos honnêtes desseins. Calmez-vous, madame, et tâchez de vous remettre, afin que monseigneur ne vous retrouve pas dans cette agitation. Pour le reste, laissez-le à mes soins et à la bonté de Dieu, qui vient toujours en aide aux bonnes intentions. Anselme, comme on le pense bien, avait mis une attention extrême à entendre et à voir représenter la tragédie de la mort de son honneur, tragédie dont les personnages avaient joué leur rôle avec tant de naturel et de vérité qu'on aurait dit qu'ils s'étaient transformés réellement en ce qu'ils feignaient d'être. Il attendait impatiemment la nuit afin de trouver l'occasion de quitter sa retraite et d'aller visiter Lothaire, son excellent ami, pour qu'ils puissent se féliciter mutuellement de la pierre précieuse qu'il avait trouvée dans l'épreuve de la vertu de sa femme. Les deux comédiennes ne manquèrent pas de lui offrir un moyen commode de s'échapper, et lui, saisissant l'occasion, courut aussitôt à la demeure de Lothaire. Il le trouva chez lui, et l'on ne saurait convenablement raconter et les embrassements qu'il lui donna, et les choses qu'il dit sur son bonheur, et les louanges dont il accabla Camille. Lothaire écoutait tout cela sans pouvoir donner aucun signe de joie, car sa conscience lui représentait dans quelle erreur était son ami, et lui reprochait de l'avoir offensé. Anselme voyait bien que Lothaire ne répondait point à son allégresse. Mais il attribuait cette froideur à ce que son ami avait laissé Camille grièvement blessée et qu'il était la cause de son mal. Aussi, parmi tous ses propos, il lui dit de n'avoir aucune inquiétude sur l'accident de Camille et que sa blessure sans doute était légère, puisqu'elle était convenue avec sa suivante de la lui cacher. Ainsi donc, ajouta-t-il, n'aie rien à craindre sur ce point. Il ne te reste plus qu'à te réjouir avec moi, puisque c'est par ton entremise et ton adresse que je me vois élevé au comble de la plus haute félicité dont j'ai pu concevoir le désir. Je veux désormais que tous mes passe-temps ne soient plus occupés qu'à faire des vers à la louange de Camille, pour lui donner une éternelle renommée dans la mémoire des siècles à venir. Lothaire loua beaucoup l'heureuse détermination de son ami. Il lui promit de l'aider, pour sa part, à construire l'édifice de la gloire de sa femme. Après cette aventure, Anselme resta le mari le plus délicieusement trompé qu'on pût rencontrer dans le monde. Lui-même conduisait par la main à sa maison, croyant y mener l'instrument de sa gloire, celui qui était l'instrument de son déshonneur, et Camille recevait celui-ci avec un visage courroucé, mais avec une âme riante et gracieuse. Cette supercherie réussit encore quelque temps. Enfin, au bout de peu de mois, la fortune tourne à sa roue. L'infamie, jusque-là si bien dissimulée, parut au grand jour, et Anselme payait de sa vie son impertinente curiosité.